Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Rêver d'étoiles avec le CNES, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Jean-Philippe Navarre. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, a 60 ans en 2021 et que ça nous a donné envie d'aller faire un tour dans l'espace et de raconter, en passant, l'histoire de la fusée Ariane. Et dans vos oreilles aujourd'hui, un décollage, des lanceurs, des émotions, des échecs et le son du vent dans un ventilateur dans l'infinie solitude de la planète Mars. Mais pour commencer, troisième épisode, on regarde un moteur de très près. Voilà, donc ça c'est le HN7. C'est le moteur du troisième étage d'Ariane 5. C'est un vrai, mais c'est un pas peu très grand, en fait. Mais c'est le moteur du troisième étage. Le moteur du premier étage, il faudrait les deux étages pour le mettre en vrai. Il fait quoi? Il fait 2 mètres de haut Ouais, il fait 7 tonnes de poussée. Hein. Et c'est quoi ce gros tuyau, alors? Allez, c'est bien. Donc, le principe, hop, vous glissez ici, s'il vous plaît. Le principe ici, ça, c'est la chambre de combustion, ici. Le truc qui est là. Et là-dedans, on va envoyer de l'hydrogène et de l'oxygène se mélanger à très haute température, 3000 degrés, former de la vapeur d'eau qui est éjectée dans la tuyère ici vers l'arrière. Okay ? Dans la chambre de combustion, il faut injecter de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide. Donc l'oxygène liquide, il arrive là. On a ici, il faut imaginer le tuyau qui monte vers le réservoir d'oxygène. Là, vous voyez la pompe qui va pomper l'oxygène. Donc on partait de très basse pression, on partait de 3 ou 4 bars, on ressort ici à 70 bars à peu près, et on part ici. Donc c'est calorifugé, parce que l'oxygène liquide est cryotechnique, à moins 150 degrés. Il part ici. Ça, c'est la vanne principale d'arrivée de l'oxygène dans la chambre de combustion. Ici, on peut commander on-off. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Le fil d'Ariane, Jean-Philippe Navarre, Lydia Ben-Itzrak. Allumage Vulcain. Allumage des deux API, décollage Ariane VA247. Là, on voit le lanceur partir, on le voit s'élever. Au début, c'est très impressionnant parce qu'il y a énormément de bruit et notamment des basses fréquences. Il y a beaucoup de 31 à 63 Hz. Et donc ça vous prend les tripes bien. On le sent bien qu'il décolle et qu'il part assez vite. Donc là, au bout de 49 secondes, on passe le mur du son. Christophe Bonal. 49 secondes, on a 500 tonnes qui passent le mur du son. Puis au bout de 72 secondes, on a ce qu'on appelle la pression dynamique maximale. C'est le moment où on a les efforts maximaux sur le lanceur. Et là, on est à Mach 2,2, puis on continue à monter jusqu'à Mach 6, Mach 7, donc 6 à 7 fois la vitesse du son, avant de larguer les boosters qui retombent à 500 km courroux à peu près. Puis là, c'est les 10 minutes de combustion de l'étage principal. Et quand lui s'est séparé, alors on a l'étage supérieur, le SCA, qui a sa mission qui dure, alors suivant les missions, ça peut durer 20 minutes. Puis après, on a le balai en orbite, le balai de la séparation des satellites. Parce qu'une fois qu'on a coupé le moteur et qu'on est sur la bonne orbite, il faut s'orienter correctement dans la bonne direction, donner un petit roulis, un petit spin pour séparer la première charge utile dans la direction voulue et avec une précision absolument diabolique. Puis on déspine, puis on s'oriente différemment, on largue le capot qui servait à séparer les deux satellites, puis on se prend une autre direction, on se respine, on sépare à nouveau la charge utile. Donc c'est pas mal. Voilà. Hein, la précision au largage, c'est de l'ordre de 0,1 degré. C'est invisible. Non. 1979. On ne chante pas Mozart, sauf en cas de force majeure, et c'est actuellement le cas avec les caprices d'Ariane. Vous le savez, c'est la troisième fois qu'on va assister au départ d'Ariane. Je crois que cette fois, c'est le bon, celle que le quotidien de Paris a surnommée la fusée Sol-Sol. Michel Forgit. Le compte à rebours continue à se dérouler. Tout est correct. Aucun feu rouge n'est allumé. Voici les dernières secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mise à feu, la mise à feu est acquise. Non, j'ai l'impression que la mise à feu est acquise et la fusée s'élève. Enfin, c'est gagné. Cité de l'espace à Toulouse. On est à la base vraiment de la fusée, c'est quand même assez impressionnant. Nicolas Berton. On a essayé de reproduire l'environnement guyanais parce que, après l'Algérie, il a fallu trouver un autre lieu français pour pouvoir lancer les fusées. Et le plus efficace, c'est de se retrouver au niveau de l'équateur. En fait, on va utiliser l'effet de fronde, on va se donner un élan. C'est à cet endroit que la vitesse est la plus grande, on va dire, sur Terre. Et donc, la terre française la plus proche de l'équateur, ça va être en Guyane, à Kourou. Jean-Baptiste Desbois. Et en se trouvant au bord d'un océan, en cas d'échec ou de chute d'objets, et dans le sens donc ouest-est, qui est le sens de lancement, pour bénéficier, comme disait Nicolas, de l'effet de fronde. Il semble que la séparation a eu lieu. Nous voyons les deux points blancs maintenant. C'est le premier étage qui retombe dans l'Atlantique et le deuxième étage qui continue sur sa lancée. Son moteur devrait s'allumer dans les secondes qui viennent. Apparemment, il n'est pas encore allumé. Si, allumage deuxième étage, c'est signalé maintenant. C'était un sacré contraste de passer du désert algérien à la forêt guyanaise. Ça reste un défi, en l'occurrence, en Guyane, parce que l'enjeu, c'est aussi de voir comment respecter l'environnement, les populations guyanaises. Donc, il y a un gros travail, en l'occurrence, du CNES, et maintenant aussi avec l'Agence spatiale européenne, pour travailler avec les populations, de façon justement à être dans une approche qu'on appellerait aujourd'hui inclusive, dans le projet d'Ariane, qui a des retombées économiques, mais aussi voilà, des retombées en termes d'environnement qu'il faut traiter. Pierre Bouteillé. Oui. Alors, deux événements viennent de se produire, deux événements importants. En effet, la coiffe, qui en principe doit contenir le satellite, mais aujourd'hui il n'y en a pas, a été larguée convenablement. C'est une opération très difficile. Là aussi, ça se passe avec du cordeau détonnant et puis des petites fusées qui écartent ces deux coiffes. Nous attendons maintenant l'allumage du troisième étage et je peux vous dire que c'est la phase la plus importante et qu'ici nous sommes très attentifs à vous. Merci de ce détail sur la coiffe, Michel Forgit, et n'hésitez pas à nous rappeler. Je crois que Michel Forgit nous appelle. Et oui, pour vous dire la bonne nouvelle, c'est que l'expérience Ariane 01 est réussie pour l'instant à au moins 95%, puisque la mise à feu du troisième étage s'est déroulée absolument comme prévu. Nous sommes maintenant à 6 minutes et 16 secondes du début de l'opération. Ce moteur va fonctionner pendant une dizaine de minutes, ensuite il s'éteindra et la fusée sera sur sa trajectoire définitive, c'est-à-dire 200 km de la Terre pour le point le plus bas et près de 36 000 pour le point le plus haut. Voilà, donc l'Ariane 5, 53 mètres de haut, c'est une des plus grandes fusées au monde actuellement, avec ce qu'on appelle un emport, c'est-à-dire une capacité de fret, pour le dire un petit peu comme ça, si elle n'emporte pas d'astronautes, pour aller jusqu'à 20 tonnes. 10 tonnes en géostationnaire, c'est vraiment le plus haut, hein, c'est-à-dire à 36 000 km, par exemple des satellites météo. Et quand même, au niveau des tailles, si on a Ariane 5 à droite, on a doublé en taille quand même depuis la première. C'est la série, on va dire, un peu la galerie des fusées françaises et européennes. La première, on va dire, un peu vraie, un peu sérieuse, mais voilà, c'était Véronique. Ah, regardez, vous la voyez tout à gauche, et Diamant, c'est la suivante. Il y a d'ailleurs le logo du CNES, l'ancien logo du CNES qui est indiqué dessus. Donc Véronique, c'est celle qui n'a pas marché, c'est ça ? Alors Véronique a marché, a fait des tests et autres, mais c'était une petite fusée, c'était juste pour tester la capacité à envoyer un objet dans l'espace. Enfin, pas un objet, une fusée dans l'espace, mais elle retombait rapidement et tout ça. Donc c'est plutôt presque un missile, en fait. On était encore piloté par l'armée. Voilà. Et puis, on développe donc au niveau de la France la fusée Diamant. Et c'est donc cette fusée qui, en 1965, va emporter vers l'espace donc le premier satellite français, donc Astérix, depuis la base d'Amaguir dans ce qui est maintenant l'Algérie. Ici à Kourou, c'est un décor futuriste et électronique dans cette immense forêt amazonienne qu'on se prépare à exploiter. Tout est prêt pour le lancement tout à l'heure de la dernière fusée du programme Diamant avec le lanceur BP-4. Il peut mettre en orbite circulaire des charges jusqu'à 220 kg. Cette fois-ci, il satellisera D2B. Il s'agit d'un satellite astronomique. Il y a bien des télescopes sur Terre, mais ils ont leur regard voilé par l'atmosphère. Il faudrait les placer très haut, bien au-dessus des nuages. C'est ce que permettra D2B. Pendant une année, il enverra vers la Terre des informations nouvelles qui peuvent modifier profondément la connaissance que nous avons de notre univers. Voilà. C'est le moteur qui démarre, là ? Il va repartir. Oui. Poum, poum, poum, je suis mon oxygène. Christophe Bonal. Voilà, j'ai un piquage sur la ligne haute pression, puisque je suis après la turbopompe. Piquage sur la ligne haute pression d'oxygène, un petit peu, petit diamètre, que j'envoie dans le générateur de gaz, ici. Pareil pour l'hydrogène, le chemin de l'hydrogène est un petit peu plus compliqué. Je pars de là, petit diamètre, je pars derrière complètement. J'arrive ici, vanne d'injection dans le générateur de gaz, je mélange là-dedans, ça part là-dedans, ça se détend ici. Ok ? Ça c'est le démarreur, c'est-à-dire quand il n'y a rien qui tourne. On a une cartouche d'ergol solide qu'on allume au moyen de ces deux allumeurs ici. Pouf, ça s'enflamme. Ça génère les premiers gaz très très haute pression qui entraînent la turbine. Une fois que la turbine est entraînée, ça entraîne les deux turbopompes. Ça y est, ça part. À chaque fois qu'on voit s'allumer les propulseurs à poudre en Ariane 5, et que donc, le décollage est assuré, c'est à chaque fois un soulagement. Alors il y a 7 minutes de tension de séquence synchronisée. Et je peux dire qu'à chaque lancement, on attend l'allumage des propulseurs à poudre pendant ces 7 minutes avec une certaine tension jusqu'à ce que le contrôle du Vulcain soit bon. Le Vulcain, c'est le moteur central de l'Ariane 5, qui est de l'étage inférieur. Et donc, du coup, les propulseurs à poudre, une fois qu'ils sont allumés, on a donc, côté segment sol, fini la mise en œuvre au sol et on passe à la phase de poursuite du lanceur pendant son vol, qui est donc une autre phase d'activité du segment sol. Frédéric Ménos, vous venez d'inaugurer le pas de tir d'Ariane 6. Comment ça s'est passé ? À l'occasion de visite ministérielle du ministre des Outre-mer, on a présenté l'avancement du chantier. Et donc le chantier se termine, donc on a pu inaugurer les infrastructures et les procédés qui sont déployés sur le pas de tir qui va voir le lancement d'Ariane 6 fin 2022. Pour se rendre compte, à Kourou, il y a combien de personnes au total ? Alors, ça dépend en gros, de quoi en gros. On parle. À Kourou, aujourd'hui, il y a 3 pas de tir en opération, il y a un quatrième en construction. Et puis, il y a des usines de production. Donc, il y a 1700 personnes sur la base. Pour opérer un lancement, il s'ajoute des missionnaires venus d'Europe. On peut dire qu'il s'ajoute 200 personnes pour conduire une chronologie ou autour d'une chronologie de lancement à Ariane 5 ou Vega ou Soyouz. Voilà, donc on lance les 3 lanceurs aujourd'hui à Kourou, Ariane 5, Soyouz et Vega. Le site dort, il est réveillé progressivement, on s'assure que chacune des fonctions fonctionne bien. Et une fois qu'il a été réveillé, on amène le lanceur dans un état du J0. Ce J0, c'est le moment où le lanceur est rempli de ses ergols liquides et on l'amène jusqu'à un pré-synchronisé. Et lorsqu'il est au pré-synchronisé, on fait les 7 dernières minutes de lancement. Et ensuite, le lanceur étant parti, le site est en revalidation, il se réendort jusqu'au prochain lancement sur le même pas de tir, donc pour le même lanceur. Donc c'est un lanceur, un pas de tir. Sur Ariane 5, on pourrait lancer... On lance une fois tous les mois. C'est le rythme qui peut être opéré sur Ariane 5. On va suivre un petit peu le fil d'Ariane. Et j'imagine, Christophe Bonal, vous avez assisté à de nombreux lancements d'Ariane. Tout à fait, mais je n'étais pas encore en activité. Donc déjà, j'étais né, mais pas beaucoup, hein, au moment de la création du CNES. Donc tout ce qui était lancement jusqu'à Ariane, évidemment, j'ai rien vu. Ariane, c'était le soir de Noël 1979, 24 décembre. Donc là, j'étais étudiant et je pensais pas encore que j'allais commencer sur du spatial. À titre personnel, je crois que les premiers vols, ça devait être le 10e vol d'Ariane ou quelque chose. Et puis depuis, j'ai toujours travaillé sur Ariane. Alors l'Ariane actuelle ou l'Ariane en développement ou l'Ariane très lointaine, future. Oui, j'ai suivi ça. Alors, d'abord, 10 ans chez un industriel, donc qui maintenant s'appelle Ariane Group, et puis avant de venir en 93 chez au CNES. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un décollage? Est-ce que vous étiez à Kourou pendant un décollage? Vous pouvez nous raconter l'émotion incroyable que constitue un décollage? Il y a des décollages qui marchent, des décollages qui ne marchent pas. Hein. J'ai eu le privilège d'être à Kourou au moment, le 4 juin 96, pour le décollage de ma fusée, Ariane 5, c'était le premier vol d'Ariane 5, et qui a raté au bout de 36 secondes. Et donc là, j'étais à la montagne des Pères, qui est l'endroit où on reçoit les informations en temps réel, et j'avais à la console de la trajectoire, donc je l'ai vu tout de suite, voilà. C'est une fusée qui a explosé, mais fort heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur. C'est des vols avec uniquement des satellites. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave, parce que c'est des centaines de millions d'euros ou de dollars qui partent en miettes, donc c'est jamais très agréable, évidemment, pour le client qui perd son satellite. Mais il n'y avait pas de personne à l'intérieur. C'était le tout premier vol de la toute nouvelle Ariane 5. Florence Porcel. Et donc, il y a toujours un enjeu hein, quand c'est un premier vol. En général, c'est une démonstration technologique. Bon, c'est une nouvelle fusée, on la teste. Forcément, il y a des risques. Et il se trouve que, pour des raisons de budget, le code informatique utilisé pour Ariane 5 était quasiment le même que le code pour Ariane 4. Sauf que Ariane 5 était beaucoup plus puissante. Il y a eu un copier-coller au niveau du code qui n'a pas pris en compte la nouvelle puissance d'Ariane 5. Le début du vol s'est bien déroulé. Sauf qu'au bout d'un moment, la fusée étant trop puissante, il se trouve que quand une fusée décolle, elle va évidemment à la verticale, donc vers le ciel, mais aussi très légèrement à l'horizontale parce qu'elle suit la courbure de la Terre. Or, quand elle commence à suivre la courbure de la Terre, les deux fusées n'y arrivaient pas au même moment. Ariane 5 était beaucoup plus rapide, donc ça arrivait beaucoup plus tôt dans le vol. Sauf que le code informatique ne le savait pas. Et donc, quand elle a commencé à faire la courbure de la Terre, le code informatique a cru que la fusée chutait. Et donc, elle a voulu la redresser. Sauf que la fusée, en vrai, suivait sa bonne trajectoire de vol. Mais le code informatique ne le savait pas. Et donc, tout simplement, l'ordinateur de bord a donné l'ordre à la fusée de se redresser. Mais comme elle était bien, elle a basculé, elle s'est déséquilibrée, ce qui a conduit avec les forces qui étaient en jeu à ce moment-là à désintégrer la fusée et à ce moment-là, elle a complètement pété et ça a fait un très joli feu d'artifice. Et ça, c'est vraiment juste pour une ligne de code qui n'a pas été mise à jour d'une fusée à l'autre et d'une puissance à l'autre. Ils ont récupéré tous les bouts de la fusée qu'ils ont pu trouver, il y a eu des rapports, etc. Bon, ça a duré plusieurs mois hein, l'enquête, mais effectivement, pour un code qui est passé de 8 à 9 bits, on est arrivé à une fusée qui a explosé devant tous les chefs d'État, les chefs d'agences spatiales, les clients des satellites qu'il y avait dedans qui ont été perdus. Donc, chaque accident de fusée est un traumatisme pour les agences spatiales. Mais celui-là était vraiment sur une erreur assez stupide, comme il y en a eu plein hein, dans l'histoire du spatial, où par exemple une sonde s'est crachée sur Mars parce que l'industriel qui l'avait conçue avec le système métrique et la NASA parlait en système pas métrique et donc entre les miles et les kilomètres c'était pas la même chose, donc on a perdu une sonde comme ça à plusieurs centaines de millions de dollars pour une erreur aussi stupide. Enfin, des histoires comme ça, il y en a vraiment vraiment vraiment beaucoup. Moi, ça me rassure assez parce que je me dis que les ingénieurs qui construisent les engins les plus puissants font quand même des erreurs. Bon, ok, c'était dur, on s'est remis au boulot, on a bossé pendant 15 mois d'arrache-pied comme des fous, pour réussir, donc ça devait être en septembre 97, pour faire le lancement de la 502, deuxième vol d'Ariane 5, et qui lui a très bien marché. Et là, ça c'est vraiment très bien, parce que si vous voulez, c'est un tel concentré d'énergie, une Ariane 5 au décollage, c'est la même puissance que la moitié des centrales nucléaires françaises connectées ensemble. Tout est extrême là-dedans. La chambre de combustion du Vulcain, c'est 3000 degrés Celsius. Et juste à 40 cm de là, vous avez une conduite à moins de 150 degrés avec l'hydrogène liquide. Les gros boosters d'Ariane 5, ce qu'on appelle les EAP, crachent à peu près 2 tonnes par seconde à travers un trou qui fait 50 cm de but. Donc il faut imaginer, on est toute une famille ici à avoir travaillé sur Ariane 5, à avoir Ariane 5 dans nos gènes, on le connaît. Par cœur, par cœur, par cœur. Et pourtant, à chaque fois, c'est une appréhension parce que on pense à tout. On ne joue jamais au dé, hein. C'est-à-dire vraiment, on ne part que quand on est sûr que tout est bon. Et il y a parfois un truc auquel on n'avait pas pensé. Heureusement, c'est très rare. Il y a quelques fois où là, le temps d'analyse du problème est très très court parce que la fenêtre de lancement est très courte. On doit comprendre d'où vient l'anomalie, analyser si elle est rédhibitoire ou pas par rapport au lancement et relancer la séquence synchro dans la fenêtre. Alors dans la fenêtre, c'est que des fois, on a que 30 minutes de fenêtre de tir par rapport à la destination du satellite. Parce que au-delà de ces 30 minutes, il faut lancer le lendemain parce que on ne pourra pas injecter au bon endroit le satellite. Et quand on descend en dessous du quart d'heure, ça devient très court et très très juste. Si on arrive à le passer dans 15 minutes, c'est qu'on a été très bon. Et donc, il y a beaucoup de tension par rapport à ça. Ariane, la famille Ariane globalement est l'un des lanceurs les plus fiables qui ait jamais été conçu, hein, mais quand même la boule au ventre chaque fois qu'on le voit décoller, quoi. Il n'y a pas certaines personnes qui ont développé des superstitions, qui font des choses un peu absurdes parce que ça tient tellement presque rien? Oh, il y avait une anecdote, c'était le vol V15 ou V18, je ne sais plus, c'était à peu près au milieu des années 80, et où on avait deux satellites japonais à bord. Et les Japonais, avant le lancement, étaient venus nous voir, très gentils, très... Vous savez, quand même, vous ne devriez pas lancer demain, parce que l'œil de Bouddha est fermé. Oh, bon, nous, bon cartésien, oui, l'œil de Bouddha, d'accord, ok, bon, ouais, bon, ça va, oui, mais vous ne devriez pas, quoi. Et le lendemain, ça a été un échec, un des rares échecs d'Ariane. Et donc les Japonais, très sympas, ont dit, ben, on vous l'avait dit. Et depuis ce jour-là, il y avait quelqu'un qui, à chaque fois, vérifiait si l'œil de Bouddha était fermé ou pas. C'était mignon, c'était la chargée de com' d'aérospatiale qui se chargeait à chaque fois de vérifier si par hasard l'œil de Bouddha était fermé. Voilà. Et là, l'origine de l'accident, c'était quoi? Je pense que c'était un problème sur l'allumeur du troisième étage. Une petite poussière qui est venue se coincer au milieu d'un tube et puis qui... Voilà. Mais on a très bien compris ce qui s'est passé et puis on ne l'a plus jamais eu. On est toujours plus intelligent après un échec. Et donc, après, on a coutume de dire un échec, on a le droit, on n'a pas le droit de faire deux fois le même échec. Ariane 6 est prévu pour des vols en automatique, des vols de satellites, etc. Puis après, on se creuse la tête en se disant, bah, tiens, il est quand même bien mon lanceur, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et donc, on a eu une étude qui a duré un an, avec l'ESA, alors l'ESA lanceur, l'ESA vol habité, Ariane Group, Airbus, des experts, il y avait Jean-François Clairvoy comme expert astronaute, on a été très fortement conseillé également par Claudie Aigneret. Et donc, on a élaboré une espèce de proposition, mais avec un petit P, hein, c'est même pas une proposition officielle, en disant, ben, vous savez, avec Ariane 6, en se servant de telle et telle technologie qu'on a déjà démontrée, ben, on pourrait faire du vol habité, autonome, depuis la Guyane, pour pas cher. Et il y a énormément d'avantages, hein, au point de vue, notamment, s'ouvrir un domaine que nous n'avons pas encore en autonome, contrairement aux Américains, Russes, Chinois, Indiens. Même les Iraniens parlent de faire une capsule habitée, vous voyez. Ça, et puis ce serait très bien pour redonner un peu une vision pour les jeunes, au point de vue de tout ce qui est scientifique et technique, faire rêver un peu, donner un objectif. Et puis, on considère que c'est vraiment l'accès à l'orbite basse, c'est un peu le hub, hein, au sens aéronautique du terme. C'est de là que partiront toutes les missions futures. Donc il faut qu'on ait notre taxi pour monter au hub en orbite basse. Et de là, on pourra faire alors de la réparation de satellites, de l'exploitation, du re-remplissage, voire aller plus loin. Pour nous, l'exploration commence quand on sort de l'orbite terrestre, d'accord? Donc les satellites circumterrestres, c'est pas de l'exploration, ça. Sylvestre Maurice. Typiquement, on estime que vous avez une fusée qui décolle, au moins ça, c'est ce qui nous réunit tous. Et puis une fusée, c'est une certaine vitesse. Si vous êtes à 8 km par seconde, la fusée, ben, elle retombe sur Terre, mais elle retombe à la même vitesse que la courbure, donc elle ne rattrape jamais la Terre. Et là, c'est le monde des satellites. Et là, vous commencez aux orbites les plus basses, 300, 400 km, et puis vous pouvez aller jusqu'aux orbites les plus hautes, l'orbite géostationnaire. Quand vous dépassez les 11 km par seconde, 11,2 exactement, là, c'est ce qu'on appelle l'exploration, parce que vous quittez la Terre. Et donc, vous allez vers la Lune, vous allez vers Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, etc. Donc, l'exploration qui est purement scientifique, c'est au-delà de 11,2 km par seconde. En deçà, c'est le monde des satellites en général, voire des vols habités. Les vols habités peuvent être autour de la Terre ou bien ils peuvent aller vers la Lune aussi. Donc ils ont fait les deux. Pourquoi je distingue ça? C'est parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Les satellites en orbite autour de la Terre, il y en a des milliers. On en a lancé plus de 10 000. Et ils ont un schéma de fonctionnement, ils tournent autour de la Terre, mais un schéma quasi économique, où ils donnent de la donnée, soit pour vous repérer sur votre téléphone, la navigation, soit pour les militaires, soit pour l'observation de la Terre, le climat, la météo, etc. C'est eux l'espace. Et une fois de temps en temps, alors en nombre ça fait 2%, peut-être 3%, on va quitter la Terre, et là il n'y a plus de mode économique, il y a un mode scientifique purement. Et c'est en cela qu'on appelle l'exploration scientifique du système solaire, voire l'exploration scientifique de l'univers à partir de télescopes qui sont autour de la Terre. C'est un schéma un peu particulier qui ne représente pas l'intégralité des activités spatiales, bien évidemment. On cohabite tous ensemble, on partage tous d'avoir une fusée au départ. Après, chacun va dans son coin. Do you think you're ready to go? Te sens-tu prêt à y aller? I'm ready. Je suis prêt. Roland Lehoucq, on peut dire que toute l'histoire de l'exploration spatiale est entièrement émaillée d'aller-retour entre le réel et la fiction, où très souvent les ingénieurs se sont nourris de la fiction et inversement. Oui, absolument. C'est-à-dire il y a vraiment eu un aller-retour entre réel et fiction, puisque finalement, les débuts de l'astronautique, en tout cas de l'astronautique technique, où on imagine aller dans l'espace avec des objets techniques que l'on saurait fabriquer, à défaut de pouvoir le faire au moment où l'idée est produite, ça date de Konstantin Tsiolkovsky à la fin du 19e siècle. Lui, il imagine déjà le voyage dans l'espace par des fusées propulsées à réaction, donc vraiment les fusées telles que nous les connaissons actuellement. On ne sait pas encore les construire, mais pour promouvoir ces idées, promouvoir l'idée que c'est possible de voyager dans l'espace grâce à ces fusées à réaction, il les met en scène dans des romans de science-fiction, notamment Rêve de la Terre et du Ciel, où il décrit ce qui pourrait se passer dans une telle fusée. C'est votre premier voyage sur la Lune ? Non, mais ça fait un certain temps. Et vous comptez sortir de la zone sécurisée au cours de votre séjour ou pas ? Non. Encore ? C'est bon ? Oui. Oui, ça c'est pas trop serré. Ça me semble aller. Bienvenue à bord. Voilà, vous êtes dans la salle du Spaceship, où il y a tout ce qui est innovation et créativité pour aller mettre un petit peu de France sur cette future base lunaire que l'on veut créer, donc dans un tiers-lieu qui serait la Lune ou Mars. Attendez, parce que quand vous dites la Lune ou Mars, alors c'est-à-dire le projet est vraiment orienté sur... C'est, voilà. L'objectif final, c'est Mars. Alexis Payet. Je dirais que c'est une réflexion globale au niveau international qui nous emmène vers Mars en passant par la Lune. C'est un groupe qui s'appelle l'ISEG pour International Space Exploration Coordination Group, qui est constitué de 27 nations. Donc vous avez la NASA, la JAXA, l'Australie, vous avez le Brésil, vous avez le Mexique, vous avez l'ESA, vous avez l'agence italienne, vous avez aussi le CNES. Donc chacun travaille ensemble. On essaye de faire émerger différentes feuilles de route pour aller, donc pour notre objectif final, Mars, 2040 à peu près, en passant par la Lune, parce que la Lune, c'est un objet qui est proche et loin. Donc on est proche parce qu'au niveau de tout ce qui va être télécommunication, c'est à quelques secondes. Quand vous allez parler avec un astronaute, il y aura un petit peu de latence, mais je dirais c'est encore faisable. Par contre, on est loin parce que si on a besoin de rapatrier quelqu'un, on a à peu près 2 jours pour aller vers la Lune, donc 2 jours pour y revenir. Donc il faut mettre en place toute la gestion de l'autonomie qui va commencer à émerger au niveau de la Lune. L'idée, c'est d'essayer de concevoir cette future base lunaire internationale, donc où il y aura une petite part de la France à l'intérieur. C'est pour cela qu'on essaie de trouver ces fameuses niches technologiques qui nous permettront de mettre un peu ce cocorico français dans cette base, pour que l'on puisse avoir des choses à faire valoir ensuite vers Mars. Donc le programme, il a déjà commencé depuis quelques années. La prochaine étape, c'est d'avoir un couple d'astronautes qui vont aller au niveau du pôle sud lunaire. Donc c'est vers 2024-2025, normalement. Donc ce sera un homme et une femme qui vont atterrir sur la Lune. Alors pourquoi est-ce qu'on veut aller au pôle sud? Quand on l'observe sur des cartes, il est très intéressant. Il a été beaucoup étudié par des sondes. Donc il y a une forte présence d'eau glacée. Et en plus, on a des zones de lumière qui sont plus fortes, plus présentes. Il y a un soleil qui est, on va dire, permanent plus de jours, qui nous permet donc d'avoir de la puissance pour charger nos batteries, pour les équipements qu'on aura à l'intérieur de cette future base. À Alors quand même, il y a cette question, un des gros problèmes pour poser des bases sur la Lune sur une certaine durée, on le sait, c'est les rayonnements du Soleil. Et donc, est-ce qu'il n'y avait pas des projets qui justement visaient plutôt des grottes, puisqu'on sait qu'il y a des grottes sur la Lune, ce qui éviterait d'avoir à construire une base directement. Donc est-ce qu'il y en a au pôle sud de ces grottes? Alors les grottes, nous on les appelle des tubes de lave. Donc c'est lorsqu'il y a eu la formation de la Lune. Au niveau du pôle sud, il y a la présence de ces fameux tubes de lave. Alors ça va être plutôt la phase, je dirais la phase 2. La première phase, donc Artemis, on a les premières missions qui s'enchaînent. On a les premiers explorateurs qui permettent de regarder, je dirais, ce fameux pôle sud, trouver ces fameux lavatubes, où on pourrait potentiellement, dans une deuxième étape, venir installer un habitat à l'intérieur de ces lavatubes pour être protégé de ce rayonnement. Aujourd'hui, quand on est dans l'ISS, c'est un peu comme les pilotes d'avion. On reste 6 mois dans l'ISS et on reçoit une dose. Et après, on doit revenir sur Terre pour limiter la dose reçue. Quand on est sur la Lune, vu qu'on n'a pas la magnétosphère qui nous protège au niveau de l'ISS, la durée sur la Lune, elle est plutôt de 3 semaines. Et donc, pour justement augmenter cette durée, c'est d'avoir cette couche de régolithe, donc c'est de la pozzolane, c'est de la poudre qui est positionnée au niveau de la Lune, c'est ce qui fait un petit peu sa couleur grise. Avec à peu près 80 à 1 mètre de cette régolithe, vous avez une protection qui peut être permanente. On va fabriquer dans un premier temps des bases un peu igloo, qui pourraient être des bases justement déployables, gonflables. Et ensuite, on va ajouter cette fameuse régolithe par-dessus pour pouvoir avoir cette protection contre les radiations. Après, il y a d'autres choses que le régolithe. On peut aussi avoir, dans les matériaux qui sont utilisés pour cette structure déployable, aujourd'hui, on travaille sur des technologies qui sont de pointe pour permettre d'éviter que le rayonnement y puisse pénétrer. On travaille notamment avec des entreprises comme le CEA, comme EDF, parce que quand ils font des expertises dans des centrales nucléaires, ils ont besoin d'avoir ce type de matériaux pour améliorer les combinaisons pour les personnels qui font la maintenance. Les premières bases lunaires, ce seront des formes d'igloo. La taille variera en fonction de la masse que l'on pourra emporter sur la Lune. On démarre déjà avec 2 astronautes. Après, on passe à 4. Après, on va passer à 6. Et à 6, on pourrait commencer à envisager justement d'avoir cette fameuse base. Une fois que vous arrivez sur la Lune, que vous êtes un astronaute, vous sortez. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez de la poudre par terre et du soleil. Et avec ces deux éléments, il va falloir les utiliser au maximum pour en tirer le plus de choses essentielles pour le support à la vie, pour fabriquer des outils, pour faire tout un tas de choses. Donc nous, aujourd'hui, au CNES, on se positionne au niveau de cette étape Life Support pour utiliser le régolithe, un peu comme un terreau pour faire pousser différents aliments que l'on pourra mettre en place. Donc on est capable d'adapter la plante à notre besoin. Et l'idée qui est derrière, c'est d'être autosuffisant de tout cela. Et il y a aussi utiliser le régolithe avec différents électrolyseurs pour en tirer, donc ça s'appelle l'extraction, soit de l'O2, l'oxygène, que l'on pourra après traiter, réutiliser pour essayer d'être le plus autosuffisant dans cette base. Mais après, de l'autre côté, quand vous faites une électrolyse, et ben vous avez aussi des métaux. Donc sur la Lune, actuellement, donc on sait qu'il y a du titane, de l'aluminium, il y a tout un tas de choses que l'on peut récupérer. Et après, donc, on peut utiliser pour fabriquer des choses, bon, des petits outillages hein, dans un premier temps, pour la vie du quotidien. Il y a aussi utiliser carrément le régolithe et utiliser le soleil pour faire comme des fours solaires et fabriquer des choses qui seront utiles pour le quotidien. Si on regarde aussi le programme chinois, ils ont réussi à atterrir sur la Lune avec Chang'e 4, ils ont atterri sur la Lune avec Chang'e 5, ils ont pris des échantillons, ils les ont ramenés sur Terre. Donc je dirais au niveau robotique, on est capable de le faire. Quand on regarde aussi sur Mars, ce qui se passe avec le JPL, avec les atterrissages des rovers, des sondes comme Perseverance, InSight, les deux dernières qui ont atterri là-bas. C'est exactement la même chose. Je dirais, ils ont un programme qui, avec 0% d'échecs au niveau américain, ils ont atterri en manière complètement autonome, avec ces fameuses 7 minutes de terreur qu'on entend, où on largue la sonde, elle atterrit de manière complètement automatique sur le sol et sans aucun problème. Donc au niveau robotique, on est assez fort. Cité de l'espace, Toulouse. On vient de passer à côté du module lunaire, une maquette de l'histoire des premiers pas de l'homme sur la Lune. L'échelle est à 1 mètre, 1 mètre 20. Du sol, parce qu'on ne savait pas sur quel sol au final on allait atterrir, personne n'avait atterri avant. Et donc on avait prévu que le sol, l'atterrissage allait être dur, et donc que du coup les pieds allaient se ratatiner sur eux-mêmes, et donc que l'échelle allait être proche du sol. Ça n'a pas fonctionné comme ça, et les astronautes se sont retrouvés dans une situation un peu tendue, du « je descends la dernière marche, mais je ne suis pas sûr de pouvoir remonter avec mon scaphandre ». On est un peu dans la même idée là, c'est-à-dire que On est dans l'exploration. Non seulement on n'est pas sur place, donc c'est encore plus difficile parce qu'on doit vraiment avoir beaucoup de contraintes. Et en plus, on découvre un nouvel environnement. Donc on doit s'adapter à cet environnement. On doit penser à un plan A, plan B, plan C, plan D. On va se balader un peu sur Mars, là. Pendant que vous discutez un peu, moi, je vais allumer Persévérance parce que nous, on a une maquette animée. C'est une maquette échelle 1. On est sur un rover qui est plus haut, qui fait à peu près 2 mètres de haut, qui fait 3 mètres à peu près de long, qui est plutôt l'équivalent d'un gros 4x4, d'une certaine manière, que nous avons réussi, donc que les Américains ont réussi donc à poser sur Mars, qui est un exploit totalement incroyable, de la même manière d'ailleurs que Curiosity, qui était son grand frère. Voilà, donc c'est important déjà de montrer au public l'échelle 1, parce qu'on se rend compte de ce qui se passe, et c'est en fait un équipement donc qui est motorisé, bien sûr sur Mars, alors il avance doucement, parce que l'idée n'est pas de parcourir des kilomètres et des kilomètres sur Mars, c'est d'analyser le sol martien, de comprendre Mars. Et donc nous avons notamment une caméra laser, donc avec un rayon laser ici, qui va donc adresser des tirs laser, 5 tirs laser successifs sur des roches pour les analyser, comprendre la composition de ces roches, dire aux scientifiques au sol, ah là c'est un endroit intéressant, il faut qu'on s'arrête un peu, il faut qu'éventuellement on aille forer, qu'on aille récupérer tel ou tel caillou, puisque le rover a donc un bras que nous allons mettre en route. Ce bras permet donc d'aller forer et de mettre dans son ventre, entre guillemets, des parties du sol martien pour les analyser. Donc là, la France, le CNES en l'occurrence, notamment sur Persévérance, donc est très impliquée, a conçu, avec le labo toulousain LIRAP, cette caméra laser. Et depuis, on appelle ça l'opère, c'est-à-dire au sens, le fait marcher. Une semaine sur deux, c'est le labo toulousain qui prend la main avec le CNES. Une semaine sur deux, c'est le labo en Californie du GPL, qui est un cousin de la NASA, qui opère donc cette caméra laser. Ce sont souvent les scientifiques qui se mettent là le soir parce que justement, ils drivent les opérations, ils donnent leur objectif scientifique, là où ils veulent tirer, qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, qu'est-ce qu'ils veulent analyser. Magali Bouissou. On appelle ça le FOX, en fait. C'est le French Operation Center for Science and Exploration. Donc on est vraiment dans le centre martien où donc il y a plusieurs missions voilà, qui cohabitent. On a InSight de ce côté-là. Ici, on opère également Curiosity, donc le premier rover, lui qui a atterri en 2012, et donc Perseverance, qui lui vient juste d'atterrir là en début d'année 2021. Now filter converge, velocity solution 3.3 meters per second, altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers of the surface. J'ai entendu que les équipes qui travaillaient sur les missions martiennes vivaient à l'heure de Mars en temps réel. On vit, comme vous dites, à l'heure de Mars, surtout sur les premiers mois. Donc les 4 premiers mois, on est en recette en vol et donc chaque minute compte. Et donc on est vraiment en interaction avec le rover. Donc on le suit au fur et à mesure dans son rythme. Après, on se cale à l'horaire américaine. Donc on se cale sur leurs horaires puisque c'est une coopération internationale. Donc il y a plein de pays. Vous pouvez le voir là, il y a des horloges partout. On a Pasadena, donc c'est nos collègues américains, donc au JPL qui sont là-bas. Donc là, pour eux, vous voyez, il est 6h du matin. Quand pour nous, il est 15h à Toulouse. En heure UTC, il est 13h. Et là-bas, je crois qu'on a Los Alamos au milieu, où il y a une heure de plus qu'à Pasadena. Où là, ce sont nos homologues sur Supercam, parce que Supercam, c'est un instrument franco-américain. Et donc pour nous, ça représente un décalage entre 8 et 9 heures. On commence tard le soir, vers 16h, 17h. Et du coup, on peut travailler jusqu'à 5, 6 heures du matin. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. Et la journée martienne donc est décalée de combien de minutes alors ? Alors exactement, elle est décalée de 39 minutes. Donc sur Mars, une journée, on appelle ça un sol du coup, puisque c'est pas un jour, un sol dure 24 heures et 40 minutes, 39-40 minutes. Voilà. Donc on a ce qu'on appelle un solid day, c'est-à-dire qu'on a un jour off tous les 37 jours. On se recale justement avec Mars parce qu'on a ce décalage-là. Ça doit être éprouvant physiquement, c'est comme si vous étiez là-bas un peu. Oui, tout à fait. Surtout les 4 premiers mois où on a effectué la recette en vol, où on le suivait tout le temps, on analysait tout ce qui pouvait nous renvoyer comme signal de santé de l'instrument, ses premières images, son premier spectromètre, etc., son premier son au micro. On était là en permanence, et donc ce qui faisait qu'on était complètement en décalage. On nous l'avait dit que ça serait dur, mais franchement, pour le vivre, au bout de 2 jours, vous savez travaillez plus, si c'est jour, si c'est la nuit, vous sortez à 10h le matin, vous embauchez à 3h du matin, vous sortez à 3h de l'après-midi, tout est décalé. Et même son rythme, on a du mal, on a envie d'un petit déjeuner à 20h le soir. C'est complètement... c'est très très particulier, oui. Donc on a l'entrée dans l'atmosphère martienne. On peut l'accélérer. On entend ce vent. Donc là, toute la descente justement sous le parachute qui nous permet quand même de freiner énormément. C'est-à-dire qu'on arrive dans l'atmosphère avec une entrée où on a énormément de vitesse. On est à plus de 20 000 km/h quand on fait notre voyage justement interplanétaire. On arrive, le but c'est de passer de 20 000 à zéro. Et tout ça en quelques minutes, ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur, et qui sont vraiment impressionnantes parce qu'il faut vraiment réussir à faire freiner justement tous les tâches de croisière et le rover qui est sous les tâches de descente, pour le faire freiner assez pour après libérer les tâches de descente qui vient nous faire descendre justement le rover à la surface de Mars et donc le poser donc avec une vitesse nulle. On the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Il y a vraiment des caméras qui ont filmé ça en vrai. Donc après, c'est là où ils ont fait cette petite vidéo qui nous permet de voir par rapport à ce qu'ils nous annonçaient au moment de l'atterrissage et où on n'avait pas les images, puisqu'il y a trop de minutes d'écart dans la communication entre les deux planètes à ce moment-là pour avoir l'info en temps réel ou très proche. Donc du coup, ils ont reconstitué sur cette vidéo les images de ce qui s'est passé en vrai. Mais après, la différence sur Persévérance, c'est que là, ils ont emmené deux micros. Il y a le nôtre, ils en ont également mis un sur le rover. Et le nôtre sur l'instrument nous permet justement d'écouter ce qui se passe autour de nous, d'écouter l'atmosphère. On essaye même d'écouter l'hélicoptère, et qui pourtant est tellement loin, mais qu'on ne pourrait pas en théorie l'entendre. Mais on arrive à récupérer du signal. Voilà. Donc on arrive là à avoir des vrais sons, et c'est quand même la magie. Voilà, on va écouter le son du micro. Là, pour le coup, c'est le vrai enregistrement. Et vous avez aussi des sons de l'hélicoptère, justement ? On enregistre des sons, justement, de l'hélico. Quand il vole, on nous a demandé de faire ça avec notre micro. Et même si au départ, nous, sincèrement, il était tellement loin, on pensait que ça serait inefficace et qu'on n'entendrait rien, on arrive à capter, justement, le son de l'hélico sur Mars. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Nous, il nous fait rêver, hein. Quand on l'a vu se déposer au sol, sur le sol, on a dû s'éloigner de lui et qu'il nous renvoyait des photos comme ça, où il nous disait « Je suis là, et vous êtes là ?» C'était assez drôle. Voilà. Non, ça, c'est vraiment assez magique de voir un hélico. Et là, pareil, au début, le premier vol a été... compliqué, mais aujourd'hui on en est à quand même 13 vols effectués sur Mars, donc c'est quand même énorme. Donc on voit son ombre là sur le sol martien, c'est quand même magique. On le voit là nous au loin, parce qu'il y a des fois on nous a demandé de faire des photos de l'hélico, de le prendre en vol. Donc c'est assez sympathique, en fait c'est la NASA qui vous demande du coup oui. D'envoyer des images ou certaines données auxquelles eux n'ont pas accès tout seul. Exactement, oui. Même on est en collaboration des fois avec d'autres instruments. On a par exemple MOXIE qui est situé également sur le rover, qui lui permet de produire de l'oxygène pour préparer les missions futures, les missions humaines. Il y a des fois on travaille pas mal avec eux pour faire enregistrement micro en parallèle de leur activité, et eux ils s'en servent justement pour leur instrument. Donc voilà, on travaille vraiment avec les différents instruments justement pour coopérer ensemble et aller plus loin sur chaque instrument. Donc MOXIE, c'est le petit module qui a réussi à produire 5,4 grammes sur Mars d'oxygène, ce qui est incroyable. On s'est déclenché en parallèle de leur production et donc on a enregistré justement ce qui se passait sur leur instrument. Mais nous, on n'a pas participé à la production de cet oxygène. C'est vraiment un instrument à part. Chaque pays, chaque responsable d'instrument pilote son instrument. Là, actuellement, je l'ai mis en pause. Il nous regarde, Persévérance. Et puis il a son bras qui est tourné vers lui. il est actuellement en train normalement de récupérer un échantillon. Alors je vais le remettre en partie déployée et vous allez entendre, il faudrait se mettre à la place du robot sur Mars. On entend du vent et puis seulement son mouvement à lui. Il se doit sentir très seul. Personnellement, je me sentirais seul à sa place. Alors on va lui demander effectivement de se mettre en position forage, c'est-à-dire d'étendre son bras. Quand on fait une activité, elle est imagée justement et elle est répertoriée pour qu'on puisse garder qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a fait telle action sur une roche. Donc on a vraiment les images et justement le contexte dans lequel on était au moment où on a fait ces prélèvements-là. Donc ça nous aide beaucoup, oui, à analyser les données. Parce que du coup, nos scientifiques, ils vont récupérer quoi ? Quand on va tirer sur une roche, on vient sublimer la roche. Ça vient la transformer d'un état solide en un état gazeux. Et la lumière qui est produite, justement, est renvoyée à notre spectromètre. Et du coup, on obtient comme un code barre de la roche, de quoi elle est composée. Et justement, le scientifique vient après analyser là où il a voulu tirer, quelle est la composition des roches, et vient regarder avec le contexte, dans quel contexte on était, qu'est-ce qu'on voit à l'image, qu'est-ce qu'on voit à l'œil nu, qu'est-ce que le spectre nous donne, qu'est-ce que le micro nous donne comme information. Et voilà, tout ça nous permet d'avoir plein de technologies qui sont couplées, qui nous permettent d'aller encore plus loin dans l'analyse. Le micro nous aide aussi, hein, il nous aide à savoir, ça nous fait un complément d'information, et ça nous aide à savoir la porosité, par exemple, et la dureté des roches. Donc juste par rapport au son qui est émis quand on tire au laser sur notre roche, le son qui est émis nous permet d'avoir une information supplémentaire sur la caractéristique de nos roches que l'on vient étudier, qui sont juste à côté de nous. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il est en train de faire. Il a étendu son bras, et donc il faut s'imaginer que, moi j'appelle ça sa main, il a une tourelle. Au bout de son bras, il y a ce qu'on appelle une tourelle. Ce qu'on entend tourner, là, le petit bruit que vous entendez tourner, c'est le forêt. Quand vous avez une perceuse au bout, c'est une mèche, ben, là, il a un forêt au bout. Il fait tourner son forêt, il teste son forêt, et là, il descend le bras pour le poser contre le sol, et on va entendre le moment où il se pose sur le sol. On a des capteurs avec ressort qui analysent le fait que, ça y est, je sais que mon bras touche le sol. Et si on rapproche notre oreille de la tête, on entend tourner son forêt. Si on avait du sol en dessous, on entendrait peut-être le crissement de la roche qui est en train d'être broyée et récupérée. On est du coup sur un rover multi-instrument. On en a 7 là sur Perseverance, mais ça nécessite tous les soirs de travailler ensemble, de se réunir sur des réunions bien précises, d'avoir tous les instruments qu'ils aient bien tous avancé au même rythme pour après, justement, le but à la fin, c'est d'envoyer ensemble tout un jeu de séquences de programmation qui sont envoyées du coup au rover pour qu'il puisse s'exécuter sa journée suivante. Donc là, on voit des lignes de code qui sont opérées tous les jours. Donc on lui dit, tu vas d'abord allumer ta supercam, tu viens tirer, faire du lips, tu enregistreras du micro également, tu vas faire du visir, donc il utilise la technique de l'infrarouge et couple avec le visible, et donc tu vas venir imager, donc faire une RMI. Tout ça, tu vas le faire sur un raster, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on vient faire 5 tirs, 5 points, et sur chaque point, on vient faire à peu près une trentaine de tirs en moyenne. Voilà. On a quand même un plan de route qui est établi, mais on ne s'interdit pas du tout, au contraire, d'aller de se déplacer vers de nouveaux endroits ou d'y revenir même plus tard, en fonction de ce qu'on aura trouvé. Sur Supercam et aux États-Unis également, sur tout le rover et sur tous les autres instruments de tous les autres pays, on a à peu près une centaine tous les soirs à travailler sur le rover. Et le programme pour demain, il est prêt déjà là ? Alors là, oui, parce qu'on est en période de conjonction. Alors la conjonction, c'est quand les planètes sont alignées, donc on a le Soleil au milieu et donc on ne peut pas communiquer avec le rover. Donc là, c'est le moment, c'est un peu nos vacances à nous, c'est-à-dire qu'on a 15 jours, tous les 18 mois à peu près, où on n'a pas de possibilité de communiquer avec le rover, donc on lui envoie avant un petit plan tout simple. Mais oui, là, il est à bord, il sait tout ce qu'il doit faire pendant les 15 prochains jours. Je suis ingénieur, mais je me suis retrouvé à faire des trucs très intéressants auxquels je n'étais pas préparé. Mais c'est très bien, je suis très content. Ah oui. C'était quoi les choses intéressantes ? Jouer avec du sable, par exemple, ça, je m'y attendais pas. Ça, on ne m'avait pas préparé en école. Ouais. En tout cas, on s'amuse bien en CNES, on dirait. On expérimente, en tout cas, ouais. Il y a pas un petit look de R2-D2, quand même, hein ? On va un peu le brutaliser, R2-D2, tout à l'heure. On va faire ce qu'on a fait sur Mars au mois d'avril, c'est-à-dire qu'on va lui déposer du sable sur le bouclier. Rémi Lapeyre. Je suis responsable opération instruments pour les instruments CEIS et APSS de la mission InSight. J'ai le même poste que Magali, qui elle travaille sur les rovers, mais sur le lander InSight. et Charlie Hanna qui est là, oui, qui va parler du programme et chef de projet en exploitation. Sur la mission InSight, l'instrument principal, c'est un sismomètre que le CNES a développé. L'objectif de cette mission, c'est d'analyser l'intérieur de la planète, de mieux comprendre de quoi est fait l'intérieur de Mars et, in fine, comment Mars s'est formé, pour en déduire comment la Terre s'est formée. Donc c'est une mission un peu particulière dans le programme de la NASA, dans la mesure où c'est pas une mission avec un rover, c'est pas quelque chose qui se déplace, c'est pas un astromobile sur Mars, c'est un lander, il est fixe. On a un sismomètre qui est sous la petite marmite que Rémi vous a montrée. En fait, en dessous, il y a le sismomètre qui s'appelle SAICE et qui est le sismomètre le plus précis qu'on ait jamais envoyé dans l'espace. Il est capable de détecter des déplacements du sol de la taille d'un atome, un angstrom. Et la difficulté principale, une fois arrivé sur Mars, a été de le déposer sur le sol martien. Donc on a mis 3 mois à finaliser l'installation. Et après, par-dessus le sismomètre SAICE, on est venu y mettre son bouclier thermique pour le protéger du froid, du sable, de la poussière et du vent. Là, ce que vous entendez, c'est le vent sur Mars qui a été enregistré en tout début de mission. En fait, on a des capteurs de pression. On a inversé le signal, ça nous a donné un signal de son accéléré 300 fois. Donc, on a une mission fixe avec des nuages qui passent, des nuages de CO2, hein, c'est pas de l'eau. Et en fait, on est à la fois à l'écoute de l'atmosphère. On a une station météo qu'on opère depuis le CNES aussi. Et puis, évidemment, le cœur de la mission, c'est tout ce qui se passe sous le sol, au niveau de la croûte, du manteau, du noyau. On a des ondes sismiques qui se propagent à l'intérieur de la planète. Si la magnitude est suffisamment importante, au-delà d'une magnitude 4, ça permet d'avoir des ondes qui font potentiellement plusieurs fois le tour de la planète, qui se réfléchissent à l'interface entre le manteau et le noyau, qui rebondissent contre la croûte, et quand elles sont reçues par le sismomètre SAICE, elles sont reçues, mais on reçoit aussi les répliques, les ondes associées, les ondes primaires, secondaires, et c'est ça qui permet aux scientifiques de tirer la pelote pour comprendre de quoi est fait l'intérieur de la planète. L'objectif derrière, c'est de comparer avec la Terre. Quand on est sur place, qu'il faut aller vite, qu'on a très peu de connaissances disponibles pour faire tout ça, et bien parfois l'approche expérimentale, c'est la plus pragmatique. Et là, c'était le cas pour cette expérimentation. Je vais faire exactement ce qu'on a fait au mois d'avril et qu'on a répété ici avant de le faire sur Mars. Et donc l'idée, c'est de recouvrir ce câble qui relie l'instrument SAICE au lander avec une couche de régolithe martien sur le câble. Ça, c'est une réplique à l'échelle 1 de la pelle qui est sur le lander. Il n'y a pas énormément de capacité, on va dire qu'il y a un petit verre, on peut mettre un petit verre de sable dedans, en équivalent. Et donc, ce qu'on a demandé à nos collègues qui manipulent le bras au JPL, c'est de venir faire chuter le sable sur le bouclier, à peu près à cette hauteur-là. Et l'idée, c'était de venir faire un tas ici, dans cette zone-là, justement, pas trop proche de la jupe de protection thermique. Et ensuite de continuer de proche en proche à essayer de couvrir ce câble qui court tout le long entre l'instrument et le lander. Pour améliorer suffisamment les performances, les équipes scientifiques ont estimé qu'il fallait entre 40 et 80 dépôts de sable sur Mars. 3 semaines à chaque fois. Et la NASA nous a dit, non, on n'aura pas assez d'énergie, il faut raccourcir. On vous donne 6 opportunités entre Mars et le mois de juin. On coupe tout au mois de juin et puis après, à partir du mois d'octobre, jusqu'à la fin de la mission, on verra en octobre. Et il s'en est fallu de peu qu'on n'ait pas de pelle du tout, hein, parce que la pelle, en fait, elle est à l'origine... Le bras, c'est un spare d'une mission précédente, Phoenix, qui est partie sur Mars 10 ans plus tôt, qui est venu gratter le sol à la recherche de glace carbonique près du pôle Nord sur Mars. Pour des questions de poids, au moment de faire partir InSight, on s'est dit, on n'a pas besoin de la pelle, on l'enlève. Puis il y a un ingénieur système au JPL qui a dit, ça va être plus compliqué de l'enlever que de la laisser, laissons-la. Niveau scientifique, ils nous ont beaucoup aidés sur le vent aussi, parce que effectivement, là, on lâche du matériel à une certaine hauteur, on ne pouvait pas se rapprocher trop près du câble d'InSight, il ne faut pas toucher le matériel absolument avec la pelle, il y a des angles garde assez importants, et donc il fallait le faire dans des conditions les moins venteuses possibles pour ajouter le moins d'incertitude au dépôt. C'est-à-dire il faut que ça soit en fin de journée pour qu'il n'y ait pas trop de vent, mais il faut aussi que ça soit à un moment donné où il y a le soleil suffisamment rasant pour qu'on puisse avoir une bonne estimation de la hauteur, parce qu'on n'a pas un champ de vision ou une visibilité très importante. Ça, c'est le côté fabuleux. On fait quelque chose dans un labo, là où on travaille tous les jours, et puis 15 jours après, on voit ce que ça donne sur Mars, et on voit des images de Mars modifiées, parce que nous, on a fait, c'est 400 millions de kilomètres, ça fait quelque chose, quoi. Donc l'effet du vent sur ce régolithe là qui tombe d'une pelle, un petit peu en pluie fine, les particules les plus fines sont poussées au loin. Et là aussi, les scientifiques sont intervenus là-dessus. Ils ont dit, tiens, mais c'est super comme expérimentation, ça permet de faire de la granulométrie de sable, en fait, cette poussée par le vent. Donc tout ça vient un petit peu susciter de nouvelles idées, de nouvelles expériences. Et ce qui, moi, je trouve est intéressant dans notre processus d'enterrement du câble, c'est finalement qu'il a abouti à une autre activité qui n'a rien à voir, qui est le nettoyage des panneaux solaires. Parce que la première fois, effectivement, qu'on a lâché ce sable sur le bouclier thermique et qu'on a vu cette partie du bouclier thermique décapée par le sable qui avait été déposé dessus, là, cette idée qui avait été suggérée un peu folle par quelques scientifiques d'aller nettoyer les panneaux en mettant plus de sable encore dessus, elle a commencé à prendre corps et les gens se sont dit, tiens, effectivement, maintenant qu'on a une photo, on a une réalité visuelle de ce qu'on est capable de faire. Et ça a donné corps à cette expérimentation. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cet enterrement du câble, c'est pas certain qu'on serait tenté à nettoyer les panneaux en jetant en plus du sable dessus. Ouais. Les anecdotes du spatial. Volume martien. On sait qu'on était dans une zone habitable de notre système solaire avec la Terre, c'est notre jumelle, Mars. Elle a arrêté son activité plutôt que nous, elle a perdu son atmosphère, elle a perdu ses eaux. Mais est-ce qu'il y a eu assez de temps justement pour que la vie puisse se développer, même des traces, des premières formes de vie, des formes unicellulaires? Est-ce que l'eau est restée assez longtemps pour ça justement? Et donc nous, on sait avec Curiosity qu'elle est habitable. On a trouvé un endroit précis où elle rassemblait toutes les conditions d'habitabilité, c'est-à-dire que sous le sol, on était privé d'oxygène pour que la vie puisse se développer, et à la surface, il y avait un petit peu d'oxygène pour qu'elle puisse, enfin, la vie puisse naître et après se développer à la surface. On a trouvé ça avec Curiosity. Maintenant, c'est de carrément ramener des traces, justement, ces biosignatures qui nous permettront d'avoir cette preuve, justement, de forme unicellulaire qui a pu se développer sur Mars. Ou pas. Mais vous, vous y croyez ? Oh bah oui. Moi, j'y crois tous les soirs quand je suis en train d'opérer, que ce sera le soir où il y aura un premier signal, voilà. Et alors, quel effet ça vous a fait d'entendre le premier son de Mars ? Ah bah pour nous, quelqu'un qui ne connaîtrait pas que c'est un son de Mars, il pourrait dire c'est bizarre comme son. Pour nous, c'est, on a l'impression encore plus d'y être parce qu'on voit Mars, on est baigné dedans en permanence. Mais pour le coup, d'entendre vraiment ce qui se passe sur la planète, c'est magique, en fait. Et quand on voit ces images en couleur qui sont magnifiques, on est là-bas, en fait. On est seul, seul sur Mars. C'était Le fil d'Ariane avec Christophe Bonal, Jean-Baptiste Desbois et Nicolas Berton, Frédéric Munoz, Florence Porcel, Sylvestre Maurice, Roland Lehouc, Alexis Payet, Magali Bouissou, Charles Yana et Rémi Lapère, Nicolas Verdier. Documentation musicale Virginie Gresset, Archivina Aude Vassan, prise de son Hélène Langlois, mixage Pierre Henry, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans l'espace, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, l'humain dans l'espace. Mais en attendant, restez à l'écoute.